tout de suite, eh bien, c'est le moment de retrouver la méthode scientifique. Et c'est avec Nicolas Martin. Il nous tombe dessus, ou plus exactement, il nous traverse à raison de 66 milliards par centimètre carré par seconde. Ils sont tellement petits qu'ils n'interagissent quasiment pas avec la matière, n'ont quasiment pas de masse, à tel point que l'homme qui a prédit leur existence aurait déclaré « J'ai fait une chose terrible, j'ai postulé une particule qui ne peut être détectée ». Et pourtant, on sait aujourd'hui la détecter avec des capteurs ultra-sensibles et on commence à prendre l'ampleur de l'importance de ces particules infinitésimales dans la structure de la matière, aussi bien en physique théorique qu'en cosmologie et en astrophysique. Cette insaisissable particule, c'est donc le neutrino. Le neutrino, cette particule insaisissable, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir sur les traces infimes laissées par cette particule qui l'est tout autant, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique Olivier Drapier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire Le Prince Ringuet de l'école Polytechnique. Vous travaillez notamment sur le détecteur T2K au Japon, sur un autre projet de détecteur, un nouveau détecteur Juno en Chine. On aura le temps d'en reparler au cours de cette heure. Nous accueillons également François Vannucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en physique au laboratoire de physique des hautes énergies à l'université Paris Diderot. Vous êtes également l'auteur, entre autres, du vrai roman des particules élémentaires chez Duno. Vous pouvez, comme chaque jour, suivre cette émission en direct à la radio et sur Twitter en parallèle en suivant le compte de l'émission @laméthodefc. Alors, je le disais à l'instant, on imagine qu'il n'a évidemment pas été aisé d'observer une particule aussi petite avec une masse aussi faible et une charge neutre comme d'autres particules élémentaires, dont la plus fameuse est le boson de Higgs. Son existence a été postulée bien longtemps avant qu'il ne soit observé. Commençons donc par le commencement. À partir de quand et pour quelles raisons suspecte-t-on l'existence donc de ce fameux neutrino, Olivier Drapier ? Bien, cette histoire commence en fait au début du XXe siècle avec l'étude de la radioactivité. C'est en étudiant les transformations radioactives de certains noyaux d'atomes qu'on s'est rendu compte que l'électron qui s'échappait de ces transformations radioactives aurait dû avoir toujours la même énergie et n'avait pas toujours la même énergie. Donc on a douté de la conservation de l'énergie. Et pour sauver ce principe de conservation de l'énergie, qui est un principe vraiment fondamental, qui n'est d'ailleurs pas tellement une propriété de l'énergie, qui est plutôt une propriété de l'espace-temps lui-même, en fait, et pour sauver ce principe de conservation de l'énergie, c'est Wolfgang Pauli qui, en 1930, je crois, a postulé l'existence, a proposé l'existence d'une particule invisible, indétectable, qui emporterait une partie de l'énergie, ce qui expliquerait qu'on ne la retrouve pas en entier dans l'électron. Ce qui est intéressant, c'est que donc à cette époque, dans les années 30, on connaît encore très très mal la physique élémentaire, la physique des particules. On connaît l'électron, on connaît le proton, mais c'est à peu près tout. Effectivement, en 1930, puisque la fameuse lettre de Wolfgang Pauli date de décembre 1930, c'est une lettre, d'ailleurs c'est assez amusant, parce que il avait été invité à un congrès Solvay où il refusait d'aller pour des raisons personnelles. Et c'est dans cette lettre où il envoie à ses collègues qui assistaient à ce congrès cette idée qu'il appelait désespérée, où il imaginait une autre particule qui s'échappait dans ses désintégrations bêta. Et donc si elle s'échappe, eh bien une partie de l'énergie est perdue. Et c'est pour ça que l'électron qui subsiste ne porte pas toute l'énergie disponible. Alors, effectivement, à cette époque-là, la composition de la matière était infiniment simple. Tous les éléments de la table de Mendeleïev s'expliquaient avec protons, neutrons qui formaient le noyau de l'atome et puis des électrons qui orbitaient autour. Le neutron n'était pas encore découvert. C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, il a été découvert en 1932. C'est ça, quelques années plus tard. On postule l'existence du neutrino avant même de penser le neutron. Effectivement. Et d'ailleurs, dans sa lettre, il l'appelle le neutron, enfin, particule neutre. Et c'est à partir de... Alors, effectivement, ce neutrino a été postulé comme ceci. C'était un petit peu... D'ailleurs, j'ai lu ou j'ai entendu dire que M. Paoli aimait bien la Dive Bouteille. Quand il a écrit sa lettre, il était sous influence. Toujours est-il que l'idée a immédiatement été acceptée parce qu'elle semblait naturelle. Et c'est Enrico Fermi qui, juste après, a commencé à imaginer les interactions d'une telle particule. Et c'est lui qui a donné le nom neutrino. Néutrine au petit neutre. Vous parliez du pluriel neutrinose, c'est neutrini. C'est neutrini puisque ça vient effectivement de l'italien, mais l'usage courant fait qu'aujourd'hui en français on dit neutrino avec un S au pluriel. Peut-être rappeler aussi Olivier Drapier, ce qui est intéressant, donc c'est que c'est en observant la radioactivité, ce que François Vannucci vient d'appeler la désintégration bêta. Qu'est-ce que c'est exactement la désintégration bêta? C'est finalement n'importe quel phénomène radioactif, type de ceux qu'on retrouve dans une étoile. C'est un des trois types de radioactivité qu'on connaît. En fait, la transformation, la radioactivité bêta, se produit quand un neutron se transforme en proton ou quand un proton se transforme en neutron. C'est-à-dire que le noyau lui-même, dont la nature, l'élément chimique est déterminé, comme vous le savez probablement, par le nombre de protons à l'intérieur du noyau, et donc l'élément chimique se transmute en un autre élément, puisqu'un neutron se transforme en proton, ou l'inverse. Donc il s'agit, dans le premier cas, le neutron qui se transforme en proton, on appelle ça la radioactivité bêta moins, parce qu'il y a émission d'un électron, donc d'une particule négative, qu'on a d'abord appelé bêta moins avant de l'identifier comme étant l'électron. Et puis, quand le proton se transforme en neutron, c'est l'inverse, il y a émission de l'anti-électron, ce qu'on appelle le positon, qui est la radioactivité bêta plus. Donc, c'est dans ces transformations spontanées des noyaux radioactifs qu'on a postulé l'existence de ce neutrino. Alors, donc, on peut ajouter que l'anomalie, justement, de cette désintégration bêta, si on parle de bêta, c'est qu'il y a un alpha et il y a un gamma. Alpha, c'est le noyau de l'hélium qui est libéré spontanément par certains noyaux radioactifs. Gamma, c'est un photon. Et justement, le bêta semblait avait un comportement bizarre parce que dans le bêta, l'électron avait une énergie, comme l'a dit Olivier, Drapier, une énergie qui n'est pas unique. Alors que pour les alpha et les gamma, on obtient ce qu'on appelle un spectre en pic, c'est-à-dire que les alphas qui viennent d'un échantillon ont tous la même énergie. Et c'est bien donc à cause de cette dérégulation, de ces niveaux d'énergie différents que Pauli postule l'existence du neutrino. Quelle est la suite de son histoire? Puisque donc là on est dans les années 30, il va falloir, on va examiner en quelques secondes les caractéristiques de ce neutrino et elles sont nombreuses et certaines assez perturbantes, en tout cas pour les physiciens. Il va falloir un peu de temps avant de réussir à mettre la main dessus et à arriver à de la physique observationnelle, Olivier Drapier. Oui, c'est-à-dire que le neutrino apparaît donc dans les désintégrations bêta des noyaux, mais il apparaît aussi dans les réactions nucléaires en général, c'est-à-dire c'est d'ailleurs dans les réactions de fission qui produisent un grand nombre de neutrons, que ces neutrons se transforment en protons et donc émettent des électrons et des antineutrinos, et c'est comme ça qu'ils ont été découverts. En fait, il a fallu attendre 26 ans quand même après le postulat de Wolfgang Pauli en 56. Pour qu'en 56, Reince et Cohen aux États-Unis détectent les premiers neutrinos. Donc il faut... Auprès d'un réacteur nucléaire. Auprès d'un réacteur nucléaire. Puisque... Il y a des réactions de fission. C'est ça. Mais n'oublions pas la fusion qui est à l'origine de tous les neutrinos qui nous viennent du Soleil, les 66 milliards par centimètre carré par seconde. Ce que je citais tout à l'heure, peut-être un mot sur cette expérience de 56. Comment est-ce que ces physiciens américains ont réussi à mettre le doigt sur ces neutrinos? Vous ne pouvez pas détecter le neutrino en tant que tel. Donc il faut détecter les particules qui viennent de l'interaction du neutrino avec la matière. Donc il faut présenter une grande quantité de matière. Et c'est un cas général d'ailleurs dans tous les détecteurs de neutrinos. On ne peut pas détecter le neutrino directement parce qu'il est neutre justement. Et donc on est obligé d'utiliser une astuce. Soit ce neutrino va refaire une transformation alors d'un proton en neutron ou d'un neutron en proton, suivant que c'est un neutrino ou un antineutrino. Et on va détecter les particules qui naissent de cette interaction. Thank you. La méthode scientifique, Nicolas Martin. On a raconté leur histoire, on va s'attarder un peu sur leurs caractéristiques. Une question qui s'est longtemps posée, et on va voir qu'elle est centrale, qui a longtemps divisé les physiciens, c'est la question de la masse du neutrino. Écoutez ce qu'en disait en 1997 Michel Cribier, qui est physicien des particules. C'est notre archive CNRS Images du jour, extraite du film À la poursuite de la particule fantôme. Alors, s'ils ont une masse, c'est un peu, on a un peu gagné le bingo, là, parce que c'est à peu près ce que des physiciens comme les physiciens des particules recherchaient, c'est... Les neutrinos, jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à mettre en évidence une masse non nulle. Toutes les expériences qui ont été faites trouvaient zéro dans la limite de leur sensibilité. Et cette masse non nulle, elle a des conséquences absolument considérables en termes de devenir de l'univers. Les neutrinos ont été créés en extrême abondance au tout début de l'univers. Et évidemment, si les neutrinos ont une masse, c'est en fait la composante en masse la plus importante de l'univers. Alors voilà, l'archive CNRS du jour, on est en 1997, une réaction à cette archive, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir si ces neutrinos ont ou non une masse? Aujourd'hui c'est une question qui est tranchée, mais pourquoi est-ce que ça a si longtemps divisé la communauté des physiciens, Olivier Drapier? Alors on pensait à l'époque, je me souviens bien, à l'époque on pensait que les neutrinos n'avaient pas de masse, probablement, très probablement, enfin un grand nombre de gens le pensaient en tout cas. Je suis pas d'accord. Peut-être pas toi. Là, on va entendre ça dans la grande expérience. Les oscillations ont débuté depuis très longtemps. Alors, oui, mais à l'époque, le débat n'était pas tranché en tout cas. Et on pensait que si ces neutrinos avaient une masse, alors ils étaient le candidat rêvé pour expliquer la masse manquante, la masse sombre de l'univers. La matière noire. La matière noire. Donc on sait aujourd'hui qu'ils ont une masse et on sait que, ma foi, elle ne suffit pas à expliquer cette matière noire, loin de là. On y reviendra, on en reparlera. François Vanucci, ça a été effectivement un débat assez vif, cette question de la masse du neutrino. Pourquoi est-ce que c'est important? Quelle différence ça ferait finalement que le neutrino n'ait pas de masse? Qu'est-ce que ça change? Alors, ne pas avoir de masse, c'est quelque chose de très symptomatique en physique des particules. Et les seules particules qui n'ont pas de masse, c'est le photon, les gluons. Enfin, les gluons, ça, c'est des pseudo-particules. C'est surtout le photon qui va toujours à la vitesse de la lumière. Et une particule sans masse va toujours à la vitesse de la lumière. Et moi, j'ai l'impression à cette époque-là, et bon, moi aussi, j'ai cherché des oscillations dès 1981 au CERN, que l'idée, c'était que le neutrino devait avoir une masse parce que c'était une particule qu'on appelle de matière, c'est-à-dire au même niveau que les électrons, que les quarks. Et simplement, cette masse devait être très petite. Alors effectivement, dans les années 80, l'idée, c'était que des neutrinos massifs, les neutrinos avaient les bonnes propriétés pour pouvoir imaginer une masse manquante faite de neutrinos, puisqu'ils n'interagissent pas. La matière noire. Le problème, c'était leur masse. Et on espérait à cette époque-là, et des expériences ont été montées, pour prouver que ces neutrinos avaient une masse, et une masse qui correspondait à ce qui était nécessaire pour former la masse manquante de l'univers. Il suffisait que les neutrinos aient une dizaine d'électrons-volts pour employer le jargon. Bah, l'électron-volt, c'est pas le jargon, c'est l'unité de mesure de l'énergie des particules. C'est ça. Et dizaines d'électrons-volts, on n'en était pas là. Il y avait des mesures directes de ces masses qui étaient bien supérieures. Et donc, des oscillations auraient dû se produire sur des petites distances, puisque les oscillations, on en reparlera, demandent des grandes distances. Plus les masses sont petites, plus la distance va être grande. Mais les idées aussi d'oscillations, elles viennent de manière phénoménologique par le déficit des neutrinos solaires. Alors, on va revenir, parce que là, on commence à rentrer dans les choses un peu complexes. On reviendra sur les oscillations tout à l'heure, parce qu'il faut d'abord, pour comprendre ce concept d'oscillation, bien expliquer ce qu'est un neutrino. Aujourd'hui, est-ce qu'on est tombé d'accord sur une masse du neutrino? Elle est à peu près fixée, Olivier Drapier? Ah ben non, personne ne connaît la masse des neutrinos. Il y a trois masses différentes, peut-être plus s'il y a des neutrinos stériles, mais disons qu'il y a trois masses qu'on ne connaît pas. On connaît des écarts de carrés de masse, on a des limites supérieures sur les masses, mais personne aujourd'hui ne connaît la masse des neutrinos véritablement. Alors, s'il y a trois masses, on va réouvrir aussi un peu le manuel de physique des particules. S'il y a trois masses, c'est parce qu'il y a trois types de neutrinos. Or, s'il y a trois types de neutrinos, il faut réexpliquer un peu où on en est dans le modèle standard, hein, dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Les neutrinos sont des fermions, il y a les quarks d'un côté et les leptons de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous redire ça peut-être en quelques mots? Qui veut s'y coller, François Vannucci? Alors, il y a les quarks, il y a les neutrinos, mais il y a aussi les leptons chargés, c'est-à-dire l'électron avec ses deux grands frères, le muon et le tau. Alors, l'électron, le muon et le tau, qui sont les leptons chargés, oui. Et de l'autre côté, les trois neutrinos, oui. Qui sont l'un liés chacun. Associé à l'électron, l'autre associé au muon et le troisième associé au tau. Voilà. Et avec ces six leptons, ce qu'on appelle les leptons, on a six quarks. Donc, il suffit de 12 constituants élémentaires pour former toute la matière. Malgré tout, il faut doubler cette table parce qu'il y a tous les anti, hein, c'est-à-dire l'anti-électron, le positron qu'on connaît très bien, l'anti-mu, l'anti, et aussi les antineutrinos. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est comme les neutrinos? De toute façon, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un neutrino et un antineutrino? Si, c'est la phénoménologie qui nous dit qu'un neutrino, quand il interagit, si c'est le neutrino de premier type, il va donner un électron. Si c'est un antineutrino, il va donner un positron. Tout est cohérent. Donc, jusque-là, on a à peu près le tableau dans la tête. Donc, trois types de masse, puisque trois types de neutrinos. Il faut donc aussi préciser quelque chose qui est la raison pour laquelle on a appelé pendant si longtemps cette particule, la particule fantôme, c'est que donc, l'une des caractéristiques principales de ces neutrinos, c'est qu'ils n'interagissent quasiment pas. Oui, alors on connaît quatre interactions dans la nature, en fait. Il y a l'interaction de gravitation que tout le monde connaît, c'est la première avec laquelle on est confronté quand on apprend à marcher. Évidemment, la deuxième interaction qu'on connaît très bien, même dans la vie de tous les jours, c'est l'interaction électromagnétique, c'est celle qui est responsable de tous les phénomènes électriques, magnétiques, etc. Et puis il y a deux interactions qu'on connaît moins bien dans le grand public, parce qu'elles sont à très courte portée, ces deux-là, elles s'exercent en gros sur des distances qui sont de l'ordre de la taille des noyaux des atomes. C'est l'interaction nucléaire forte, donc qui s'exerce entre les quarks, qui lie les quarks entre eux à l'intérieur des protons et des neutrons, et qui lie aussi d'une certaine façon les protons et les neutrons à l'intérieur des noyaux. Ça, c'est l'interaction nucléaire forte. Ce qui fait qu'il y a une cohérence des atomes. Voilà, c'est elle qui fait la cohérence du noyau de l'atome, en quelque sorte. Les électrons eux-mêmes se promenant à proximité du noyau retenu par l'interaction électromagnétique, puisque le noyau est positivement chargé et que l'électron a une charge négative. Et puis, il existe une quatrième interaction, qui est l'interaction faible, qui, elle, est responsable, justement, de ces phénomènes de désintégration, de transformation bêta des noyaux. Et c'est dans ces... Et des protons et des neutrons. Donc, c'est de radioactivité. De la radioactivité, de cette forme de radioactivité, et c'est dans ces interactions faibles qu'apparaissent en fait les neutrinos, et ces neutrinos ne sont sensibles véritablement qu'à cette interaction faible, et aussi à l'interaction de gravitation, comme tout ce qui possède de l'énergie, mais disons que l'interaction de gravitation étant un grand nombre d'ordres de grandeur inférieur à l'interaction nucléaire faible, au niveau des particules élémentaires, on ne se préoccupe quasiment jamais de l'interaction de gravitation. Et donc, la seule interaction à laquelle sont sensibles ces neutrinos, comme ils n'ont pas de charge électrique, qu'ils n'ont pas, jusqu'à preuve du contraire, de moment magnétique, donc ils n'interagissent pas de façon électromagnétique, ils ne sont pas des quarks ni des gluons, donc ils n'interagissent pas de façon nucléaire forte. Ils n'interagissent donc que de façon faible. François Vannucci, vous voulez rajouter quelque chose à ce propos? Est-ce qu'ils n'interagissent pas électromagnétiquement? Ce sont des recherches là aussi. Alors effectivement, on a des limites sur le moment jusqu'à magnétique, mais il y a quelque chose d'assez intéressant qui est venu récemment, c'est des désintégrations radiatives de neutrinos, parce qu'on peut coupler le neutrino aux photons, c'est-à-dire. Alors on rentre dans des finesses qu'on pourra peut-être adresser tout à l'heure, mais encore une fois, procédons par entonnoir pour pouvoir justement bien comprendre de quoi il s'agit. Il faut dire l'autre caractéristique essentielle, on l'a abordée, on va pouvoir en parler maintenant. Donc, les neutrinos n'interagissent quasiment pas, sauf sur l'interaction faible, pas de charge électrique, masse, on est aux alentours d'un millionième d'électrons-volts. Ça dépend. Une fraction d'électron-volt, en tout cas. Le millionième. Et surtout, ces neutrinos, ils oscillent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oscillation d'un neutrino, François Vannucci? Alors, l'oscillation des neutrinos, c'est une transformation spontanée entre les types de neutrinos. On a dit qu'il y avait trois types, qu'on appelle nuée, numu, nuto. Électronique, muonique et toïque. Et ces états, ce qu'on appelle des états propres, c'est-à-dire ces neutrinos sont les neutrinos qui, effectivement, sont produits. Par exemple, les neutrinos dans le Soleil sont produits sous forme de neutrinos électroniques. Mm-hmm. En revanche, auprès d'accélérateurs, on construit des faisceaux qui sont essentiellement du second type, des neutrinos muoniques. Mm-hmm. Alors, ces neutrinos... Donc, pas la même masse, hein. Ça veut dire, a priori, pas la même... Non, ah, non, ça c'est pas sûr. La même... Alors justement... Bon, je vous interromps pas, allez-y. Le problème, c'est que ces neutrinos électroniques, muoniques et toïques ne sont pas les neutrinos qui sont, opérants pour une propagation dans l'espace. Alors, cette histoire de mélange, on la trouve dans d'autres exemples. Hein, à travers les quarks, on a exactement le même problème. Ça signifie que le neutrino est produit sous forme, par exemple, neutrino électronique dans le Soleil, mais dès qu'il se libère, ce n'est plus le neutrino électronique qu'on doit considérer, mais une superposition de trois neutrinos dont les masses et donc les énergies sont bien fixées. Mm-hmm. Et c'est là où s'introduisent trois masses de trois neutrinos. Et comme on disait tout à l'heure, on a des évidences de masse tout à fait probantes aujourd'hui. Simplement, les oscillations ne donnent une mesure que des différences de masse. Et donc, on n'a pas la valeur absolue de ces masses pour le moment. C'est l'oscillation, donc si je résume bien, c'est la faculté qu'ont ces neutrinos de passer d'un état, d'osciller d'un état à l'autre. De passer de l'état électron, muon ou tau, de passer de l'un à l'autre. Mmh. Et pour cela, ça s'explique en fait parce que les neutrinos qui se propagent dans l'espace ou dans la matière ne sont pas les neutrinos électrons, muons ou tau, mais sont des neutrinos qu'on a bêtement appelés 1, 2 ou 3 par manque d'imagination. Et ce sont ceux-là qui ont une masse déterminée. Donc le neutrino numéro 1 a une masse différente du neutrino numéro 2 qui a une masse différente du neutrino numéro 3. Et chaque neutrino E, mu ou tau est en fait un mélange, une superposition de 1, 2 ou 3. Ce qui fait qu'en fait, les neutrinos qui sont produits ou qui sont détectés, les E, mu ou tau, n'ont pas une masse déterminée. Ils sont dans un état de superposition quantique de trois états, au moins trois états de masse différentes, qui se propagent donc à des vitesses différentes, car pour une certaine énergie, elles ont des masses différentes, donc elles ont des vitesses différentes, ces trois composantes. Et du coup, ça introduit des phénomènes de battement, des phénomènes d'interférence entre les différentes composantes, qui donnent une probabilité qu'un neutrino produit dans l'état neutrino mu, qui va voyager sur des centaines de kilomètres, va être détecté ensuite dans un autre état qui n'est pas l'état neutrino mu. Tout ça étant maintenant posé, et de manière assez claire et assez limpide, on peut légitimement se demander, finalement, même si on s'est un peu posé la question tout à l'heure, comment on détecte aujourd'hui, avec les moyens contemporains, avec la technologie actuelle, une particule qui interagit si peu avec le reste de la matière baryonique. Et justement, pour comprendre comment fonctionnent bien ces détecteurs, nous avons fait appel à notre inspecteur Maigret des particules. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes parti dans les méandres d'une vaste opération internationale qui a pour but de comprendre précisément les oscillations, brillamment expliquées à l'instant par Olivier Drapier, des neutrinos. Oui, et j'ai rencontré Jacques Dumarché et Claudio Giganti qui sont physiciens au laboratoire de physique nucléaire et de hautes énergies à l'université Pierre et Marie Curie de Paris. Ils contribuent tous les deux à l'expérience Tukai Tu Kamioka, T2K, à laquelle vous participez aussi, Olivier Drapier. En résumé, et vraiment pour le dire très vite, cette expérience installée au Japon utilise un accélérateur de particules, puis deux détecteurs, un détecteur proche du faisceau et un détecteur souterrain installé à 295 km du faisceau, le fameux Super Kamiokande, qui n'est rien moins qu'une cuve de 50 000 tonnes d'eau pure de 40 mètres de diamètre pour 40 mètres de profondeur installée à 1 km sous la Terre. Jacques Dumarché et Claudio Giganti m'ont donc expliqué les raisons pour lesquelles les oscillations de neutrinos et antineutrinos recherchées dans le cadre de l'expérience T2K pourrait nous aider à comprendre pourquoi on trouve aujourd'hui plus de matière que d'antimatière dans l'univers. Le premier instrument, c'est l'accélérateur. Donc il y a un ensemble d'accélérateurs successifs pour arriver à fabriquer ces neutrinos. Et juste derrière cette cible des protons, 200 mètres plus loin, on a installé, et c'est là que notre rôle intervient en tant qu'expérimentateur, on a installé un détecteur, ce qu'on appelle le détecteur proche, et qui est un ensemble de détecteurs assez variés pour essayer d'identifier quelques rares collisions de neutrinos qui vont nous permettre de comprendre quelle était la composition de ce faisceau de neutrinos. Juste une petite parenthèse, les neutrinos interagissent extrêmement peu. Il en passe des milliards et des milliards dans le détecteur quand un seulement parmi ces milliards interagit dans le détecteur de façon assez rare. Et donc il faut avoir un détecteur qui soit suffisamment précis et détaillé pour pouvoir, un, enregistrer une collision d'un neutrino, et d'autre part, comprendre de quel neutrino il s'agissait, donc avoir une sorte d'identification des particules produites dans la collision qui nous permettront de remonter à l'identité du neutrino qui interagit. L'objectif final de ces recherches, c'est de comprendre quoi ? Dans notre cas, et dans la deuxième phase de l'expérience aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre si les neutrinos et les antineutrinos suivent les mêmes lois de physique. On soupçonne que les particules et les antiparticules ne suivent pas exactement les mêmes lois de physique, qu'il y a une certaine violation d'une symétrie qu'on appelle symétrie de charge-parité, et que cette violation de symétrie, qui a été observée dans d'autres secteurs de la physique, dans le secteur des quarks, pourrait être à l'origine de la disparition de l'antimatière dans l'univers. Cette disparition-là n'est pas comprise aujourd'hui, et la violation de cette symétrie CP dans le secteur des quarks ne suffit pas, le taux de violation ne suffit pas à expliquer la disparition de l'antimatière de l'univers. Donc il y a des idées théoriques qui sont postulées, à travers lesquelles une violation de cette même symétrie dans le secteur des leptons, donc des neutrinos, pourrait expliquer dans l'univers primordial la disparition de l'antimatière. Et donc le but de Titouké aujourd'hui, c'est d'essayer de comparer les oscillations de neutrinos en neutrinos et en antineutrinos et de voir si un phénomène comme ça de violation de CP se manifeste qui permettrait d'aller un petit peu plus loin dans cette explication de l'antimatière dans l'univers. C'est un peu le but essentiel aujourd'hui. C'est devenu le but essentiel aujourd'hui. Donc c'est un voyage dans le temps que vous réalisez avec toutes ces données dans lesquelles vous fouillez. C'est un voyage dans le temps et dans les disciplines de la physique. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement la physique des particules qui est concernée là. Il y a la cosmologie, il y a l'astrophysique. Et donc c'est un effort commun pour essayer de comprendre dans quel monde on vit et dans quel est l'avenir de l'univers à travers ces lois décelables par des expériences de physique fondamentale comme on le fait ici au Japon. Et donc c'est comprendre l'univers dans son ensemble, mais aussi comprendre l'infiniment petit dans toutes ces interactions multiples entre la physique des particules et la physique de la cosmologie ou l'astrophysique. Le détecteur, là, pour l'instant, on appelle ça le super-camiocande, et bientôt, il y aura l'hyper-camiocande. En quoi ça va consister? Quelles améliorations vont être apportées à ces infrastructures là-bas au Japon? C'est surtout une question de taille. Super camiocande, ce qu'on a aujourd'hui, il fait 50 000 tonnes d'eau. Et avec hyper camiocande, on passera autour de 500 000 tonnes d'eau. Donc, ça va faire un facteur 10 par rapport à super camiocande. Donc avec ça, on pourra, si on imagine envoyer la même quantité de neutrinos, par exemple, ce qu'on fait avec T2K, on pourra avoir 10 fois plus de signaux dans les détecteurs et donc faire des mesures beaucoup plus précises toujours du même phénomène de l'oscillation des neutrinos. Quels sont les majeurs obstacles que vous rencontrez aujourd'hui et pourquoi les neutrinos et les antineutrinos continuent de nous échapper un peu? Avec les neutrinos, les majeurs obstacles, c'est toujours leur probabilité d'interaction qui est très très faible et ça pose difficulté pour bien les étudier. Pour donner un chiffre, je ne sais pas si vous prenez un neutrino et vous voulez avoir une certaine probabilité de l'observer, on va dire, je sais pas, entre 50-60% par exemple, probabilité de l'observer, lui, il vous faut un détecteur qui fasse une année-lumière de plomb. Il faudrait un mur en plomb d'une année-lumière. Une année-lumière pour avoir une probabilité de 68% de l'observer. Donc c'est ça la problématique majeure quand on a... Là, ce qu'on exploite dans T2K, c'est le fait qu'on produit un grand nombre de neutrinos, donc il y en a une très faible quantité qui interagit, mais quand même, grâce au fait que le nombre est très large, on peut les observer. Donc ça prend du temps, ça prend des ressources, même d'argent pour pouvoir produire un faisceau de neutrinos de telle sorte. L'un des problèmes majeurs maintenant, c'est la quantité de neutrinos produits. Comme l'a dit Claudio, donc... ça interagit tellement peu qu'il en faut beaucoup pour que quelques-uns interagissent. Et pour aller vers des mesures de précision qui sont maintenant notre but, eh bien, il nous faut beaucoup de neutrinos. Et donc, c'est la qualité de l'accélérateur qui est la plus délicate aujourd'hui. Donc, on est loin de maîtriser encore la physique des faisceaux de très haute intensité. Et ça fait partie des défis qui ne concerne pas que la physique des neutrinos d'ailleurs, c'est l'ensemble de la physique des particules qui est concernée par ce défi-là. Voilà le reportage du jour d'Antoine Beauchamp au T2K, hein, qui a beau être situé au Japon, qui est un projet européen pour moitié et qui concerne, on l'a entendu, et c'est ça qui est passionnant avec les neutrinos, autant la physique des particules que l'astrophysique et la cosmologie. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Olivier Drapier, ce sont vos collègues qu'on vient d'entendre. Oui, je connais bien effectivement Jacques et Claudio, et donc cette expérience T2K est une expérience où on fait parcourir 300 km, 295 km. Kilomètres, un faisceau de neutrinos. Le faisceau part de Tokai, qui est au nord de Tokyo. Mmh. Les physiciens se relaient pour faire fonctionner les détecteurs proches. Moi-même, j'y vais demain. Mmh. Voilà. Donc, 295 kilomètres plus loin, les neutrinos interagissent. Alors, on leur met, pour contrebalancer leur faible probabilité d'interaction, eh bien, on leur présente une cible d'interaction qui est énorme, donc 50 000 tonnes d'eau ultra pure. Cette eau est dans une cuve qui est souterraine pour se protéger du rayonnement cosmique. Mmh. Elle est entourée, cette cuve, de photomultiplicateurs qui sont d'énormes yeux électroniques, des tubes qui détectent des quantités très faibles de lumière. On va mettre des photos, c'était déjà la photo du thème de l'émission, mais sur le fil Twitter pour qu'on se rende compte, c'est assez magistral d'ailleurs. C'est une espèce de cathédrale remplie d'eau avec des yeux tout autour qui scrutent. Et qu'est-ce qu'on regarde là-dedans? Eh bien, quand un neutrino interagit au milieu du volume d'eau, il va se transformer, il va donner naissance à un électron, par exemple, si c'est un neutrino de type E, ou à un muon, si c'est un neutrino de type mu, et cette particule est chargée, contrairement au neutrino qui lui a donné naissance. Et une particule chargée, qui va se déplacer à très grande vitesse dans cette eau, va émettre de la lumière par un effet qu'on appelle l'effet Cherenkov, qui est dû au fait que cette particule va se déplacer plus vite que ne se déplace la lumière dans l'eau. Alors évidemment, on ne peut pas aller plus vite que ne va la lumière dans le vide, mais dans l'eau, la lumière ne va pas à la vitesse C, mais à la vitesse C divisé par N, l'indice de réfraction, c'est-à-dire typiquement 2/3 de la vitesse de la lumière dans le vide. Et une particule peut très bien aller plus vite que la lumière dans un milieu matériel transparent. À ce moment-là, elle émet un bang lumineux, qui a une onde de choc lumineuse, tout à fait l'équivalent du bang supersonique pour un avion, mais c'est un bang superluminique, on va dire. Ça s'appelle l'effet Cherenkov. Et c'est tout à fait mesurable, tout à fait visible, et c'est comme ça qu'on détecte la particule en question. Alors on peut savoir si c'est un électron ou un neutrino par les caractéristiques du cône de lumière. Un électron ou un muon par les caractéristiques du cône de lumière. Et donc on peut remonter là et savoir si c'était un neutrino de type E ou un neutrino de type mu qui a interagi. Ça, c'est l'un des types de détecteurs, mais des détecteurs de neutrinos, il y en a toute une gamme, toute une variété. Ça n'est pas la seule. Il y a une dizaine d'installations dans le monde, je crois. Hein, François Vanucci, je ne me trompe pas. Oui, et ça dépend essentiellement de l'énergie de la source. À basse énergie, alors des sources de neutrinos, il y en a des tas. Les centrales nucléaires, on disait, il y a beaucoup d'installations qui sont à proximité. Chaque centrale nucléaire d'EDF a produit 10 puissance 21. Neutrinos, ce sont en fait des antineutrinos du type électronique chaque seconde. Ensuite, il y a la Terre elle-même qui produit des neutrinos. Nous-mêmes, nous produisons de l'ordre de 4 à 5 000 neutrinos par seconde, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant pour faire une expérience. Et puis, les accélérateurs, bien sûr. Les rayons cosmiques. Dans les rayons cosmiques, il y a des neutrinos de haute énergie. Super Kamiokande a reçu un prix Nobel il y a un an et demi, justement pour la détection des rayons des neutrinos atmosphériques, où on a prouvé le déficit de neutrinos muoniques comparé au flux de neutrinos électroniques, et ce qui a été là aussi une bonne indication d'oscillation du second neutrino, alors que précédemment on avait l'indication de l'oscillation du neutrino électronique pour le Soleil. D'ailleurs, Super Kamiokande s'est aussi illustré pour la détection des neutrinos du Soleil sur une méthode un petit peu différente. Mm-hmm. C'est-à-dire que les neutrinos du Soleil ont très peu d'énergie. Ils sont aux alentours de 10 MeV. Méga électronvolts. Mm-hmm. Et à ces énergies-là, ils peuvent interagir sur un électron, c'est-à-dire donner une partie de leur énergie à un électron. Et la beauté de ce phénomène, c'est que l'électron est produit pile dans l'axe, dans mm-hmm. La direction du neutrino. Ce qui fait qu'en voyant, alors cet électron produit la même lumière Tcherenkov dont il a été parlé tout à l'heure, et en repérant l'électron, on connaît la direction du neutrino. La provenance. Et c'est comme ceci qu'on a pu faire une photo sous la Terre du Soleil en plein bombardement de neutrinos. Mm. Oui. On peut préciser aussi qu'il y a une installation en France qui s'appelle Double Chose en Alsace. Double Chose, oui, c'est Double Chose. Alors c'est CHOOZ. Oui, tout à fait. C'est à côté de la centrale nucléaire de Chaux dans les Ardennes. C'est pas de Chose alors. Bon, non, pour non, moi. C'est pas de Chose. Et désolé pour nos auditeurs alsaciens qui viennent de faire une sorte de barbarisme terrible. Non, Double alors Chaux. C'est à la frontière franco-belge en fait. Hein, c'est dans les Ardennes françaises. Et donc c'est une expérience qui mesure les paramètres d'oscillation parce que le but de ces expériences est de mesurer les proportions dans le mélange en fait. Hein, si nous voyons que les neutrinos de type E, mu ou tau sont des mélanges de neutrinos de type 1, 2 ou 3, il est intéressant de connaître non seulement les masses des neutrinos de type 1, 2 ou 3, mais aussi les proportions du mélange. La recette du neutrino E, c'est tant de pourcents de numéro 1, plus tant de pourcents de numéro 2, plus tant de pourcents de numéro 3, ce qu'on appelle la matrice de mélange des neutrinos. C'est donc là, les paramètres de proportion dans le mélange. Et Double Chose a mesuré un de ces paramètres, et c'est une expérience qui comporte deux détecteurs de neutrinos, l'un un peu plus proche et puis l'autre un peu plus lointain de la centrale nucléaire de Chaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot également de ce dont je parlais tout à l'heure, et c'est du projet Juno qui, lui, est en cours d'installation en Chine, si mes renseignements sont bons? Oui, alors le projet Juno est un projet assez colossal. C'est un projet qui est en grande partie chinois, mais où il y a beaucoup de collaborateurs européens également, et pas mal de collaborateurs français, dont pas mal de collaborateurs français. Dans le sud de la Chine, nous allons construire un détecteur pour observer les antineutrinos de type électron qui sont produits par deux grosses centrales nucléaires chinoises situées dans le sud de la Chine. Ce détecteur est un détecteur un petit peu différent de Super Kamiokande. C'est un détecteur qui va consister en 20 000 tonnes d'un liquide spécial appelé scintillateur liquide. Mm-hmm. Et donc ce liquide a la propriété d'émettre de la lumière quand il est traversé par des particules chargées. Mm-hmm. Et donc il va être observé par des tubes photomultiplicateurs, des détecteurs de lumière à la manière de Super Kamiokande. Ça sera donc une sphère de plastique, d'acrylique pour être exact, de près de 40 mètres de diamètre, donc une boule de Noël géante, le tout dans une piscine à cette dimension, c'est-à-dire d'un peu plus de 40 mètres de diamètre, à 700 mètres sous terre. Toujours pour se protéger, autant que faire se peut du rayonnement cosmique. Malheureusement, à 700 mètres sous terre, il restera des muons cosmiques, il restera du rayonnement cosmique dont nous allons devoir tenir compte. Mmh. Et ce détecteur sera situé à égale distance des deux centrales nucléaires en question, à une cinquantaine de kilomètres des deux centrales nucléaires. Et donc, par la mesure des antineutrinos qui proviennent de ces centrales, en fonction de leur énergie, nous allons pouvoir déterminer quel est l'ordre des masses, non, pas véritablement quelle est la masse des neutrinos, mais déterminer quelle est ce qu'on appelle la hiérarchie de masse, c'est-à-dire savoir si le numéro 1, le neutrino numéro 1, est le plus léger, ou si c'est le numéro 3 qui est le plus léger. Ça a une certaine importance pour passer ensuite aux mesures de la différence entre les neutrinos et les antineutrinos, la fameuse violation de la symétrie de charge parité dont parlait Jacques Dumarchais tout à l'heure. Et dont on va reparler dans quelques instants. Un tout dernier mot à propos de ces détecteurs, je voudrais vous faire dire un mot de cette détection de 1987 à Cleveland. On parle d'une rafale de 19 neutrinos, c'est pas énorme, mais c'est malgré tout une rafale, qui est le témoignage d'une supernova qui aurait explosé dans le nuage de Magellan à 170 000 années-lumière. Mais tout à fait, et cette supernova a également été vue par le détecteur Kamiokande, Super Kamiokande, et l'anniversaire était il y a quelques jours, hein, là, et donc c'est la validation de notre compréhension du phénomène de supernova, donc l'explosion finale qui arrive à la fin de la vie d'une étoile. Mmh. Là, c'était une super géante bleue, je crois, hein. Il me semble, non ? Supernova de type 2. D'accord, oui, mais l'étoile, c'était une supernova. Bref, autant pour moi. C'est celle qui s'effondre gravitationnellement et qui envoie 99% de son énergie sous forme de neutrinos des trois types, d'ailleurs. Et donc, cette détection par les détecteurs de neutrinos en fonctionnement à ce moment-là a permis de valider les modèles d'explosion de supernova qui sont des modèles basés sur la physique nucléaire à la base. Il avait même pu mettre une limite sur la masse des neutrinos, mais qui n'était pas très très bonne, quelques 30 électrons-volts quelque chose comme ça. La méthode scientifique, Nicolas Martin. De Tricky, c'est le choix musical de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Il est 16h43, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture et nous parlons des neutrinos, cette particule qu'on a longtemps qualifiée de particule fantôme. Nous en parlons avec Olivier Drapier qui est chercheur CNRS au laboratoire Le Prince Ringuet de l'école Polytechnique et François Vannucci, enseignant-chercheur en physique au laboratoire de physique des hautes énergies à l'université Paris Diderot. Alors, pour conclure cette émission, dans le quart d'heure qui nous reste, nous allons parler un peu des mystères qui entourent encore et toujours les neutrinos. Il y en a un certain nombre. Alors avant de plonger dans les arcanes des mystères de l'oscillation, j'aimerais qu'on lève tout de suite le voile sur ce dont nous avons parlé tout à l'heure, même si on l'a évoqué, qu'on en parle consensus un tout petit peu plus, c'est sur la question de la matière noire. Puisque voici donc une particule fantôme avec une masse qui est une masse réelle, qui est produite en quantité pléthorique par les étoiles et par les galaxies, qui interagit très faiblement avec la matière. Bref, en fait, quand on regarde a priori ce neutrino, on se dit que c'est le candidat idéal pour la matière noire, pour ses 27% de masse manquante à l'univers. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Pourquoi donc, Olivier Drapier ? Bien, je crois que tout simplement parce que si le nombre de neutrinos que nous estimons dans l'univers, qui n'est qu'une estimation parce qu'on ne peut pas malheureusement mesurer exactement ce nombre. Pour l'instant, la plupart sont des neutrinos d'extrêmement basse énergie dont on n'a pas la moindre idée de comment on pourrait mesurer leur présence. François me contredira si j'ai tort, mais je crois que si on prend les estimations et qu'on multiplie par la masse qu'on estime pour le neutrino aujourd'hui, on tombe tout simplement sur un chiffre qui est trop petit pour expliquer la masse manquante. Oui, c'est évident. François, c'est ce que je disais tout à l'heure. les neutrinos de la cosmologie, c'est-à-dire ceux qui nous viennent du Big Bang, et en fait, ça c'est le graal des physiciens de pouvoir détecter ces neutrinos, mais ils ont une énergie tellement faible, 10⁴ électronvolts, que leur probabilité d'interaction est... Les gens ont réfléchi avec des phénomènes très bizarres, mais pour le moment, il n'y a rien de pratique. Parce qu'il faut rappeler en quelques mots qu'on peut remonter jusqu'à ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, mais au-delà, quelques 400 000 ans avant le Big Bang, on ne peut plus rien voir. C'est-à-dire que même en allant chercher si loin, on ne peut plus rien voir. Or, les neutrinos seraient peut-être un indice pour nous permettre de remonter jusqu'au Big Bang, mais comme vous le dites, leur énergie est beaucoup, beaucoup trop faible. Alors les neutrinos cosmologiques, effectivement, se sont découplés, ce qu'on appelle, se sont découplés de la matière au moment du Big Bang, une seconde après le Big Bang. Alors, par rapport à ça, les photons, ceux qu'on a bien vus, par exemple, avec le satellite Planck, le fond cosmologique qui est une chose absolument magnifique, qu'on connaît très précisément aujourd'hui, s'est découplé 370 000 ans après le Big Bang. C'est-à-dire que si on pouvait voir ces neutrinos, on arriverait à une seconde. D'un autre côté, moi qui fais aussi quelques années sur le LHC au CERN, le LHC reproduit les conditions d'énergie qui existaient 10-10 secondes après le Big Bang. Donc ça va encore bien au-delà. Enfin, bien sûr, tout ça, ce sont un petit peu des images. Toujours est-il que le modèle du Big Bang, si on y croit, il prédit de l'ordre de 400 photons par centimètre cube dans tout l'espace de l'univers, et c'est le fond cosmologique qu'on a vu exactement, enfin très précisément et tout à fait en accord avec ce modèle. Et le même modèle nous dit qu'il doit y avoir aussi 300 neutrinos, 100 neutrinos de chaque type dans chaque centimètre cube. Alors si on fait la somme de tous les neutrinos qu'il y a dans l'espace, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 2 milliards de fois plus de neutrinos que de protons ou d'électrons, c'est-à-dire des particules qui forment toute la matière ordinaire, c'est-à-dire toutes les étoiles, et aussi les trous noirs, etc. etc. Et effectivement, si on compare les deux chiffres, il suffirait que les neutrinos aient une masse 1 sur 2 milliardième de la masse du proton pour donner autant de masse à l'univers que toutes les étoiles. Effectivement, c'est à peu près où on en est. C'est à peu près où on en est. Quand on fait le camembert des différentes contributions à la masse énergie de l'univers, on a les deux grandes inconnues qui sont la masse manquante de l'ordre de 25%, l'énergie noire qui 70%, et les 5%, c'est la matière ordinaire. Mais dans cette matière ordinaire, il n'y en a que 0,5% qui viennent des étoiles. Parce que toute la matière ordinaire n'est pas sous forme d'étoiles. Il y a des nuages gaz. Très difficilement. Et les neutrinos, effectivement, contribuent à peu près au même niveau que les étoiles. Ce qui est quand même pas mal pour des particules infiniment 5%, petites. Donc il reste toujours 20% qui ne rentrent pas dans l'équation pour transformer les neutrinos en cette fameuse matière sombre manquante. Oui, les masses sont infiniment trop petites. C'est pour ça qu'on parle de neutrinos stériles, c'est-à-dire des autres types de neutrinos. Alors, pourquoi pas en fait, pour parler de neutrinos stériles, il y a bonne raison et une mauvaise raison. Le neutrino stérile, parlons-en, puisque vous l'évoquez, c'est intéressant. Ce serait la possibilité donc de l'existence d'une... On a parlé des trois types de neutrinos, électrons, muons, tau. Il y aurait un quatrième type qui serait donc un neutrino stérile, ce qui signifie que celui-là n'aurait pas de particules symétriques. Ça veut dire qu'il y a, il nous manquerait une particule. Qu'est-ce que ça signifie, François Manouchi? Alors, ça dépend. L'une des raisons pourquoi on parle de neutrino stérile, c'est parce que on a, comme d'habitude en physique du neutrino, quelques anomalies qu'on traîne depuis des années et des années. Des anomalies, c'est-à-dire des résultats expérimentaux que personne ne comprend, qui sont probablement des erreurs, mais malgré tout, elles sont là et on veut les expliquer. Et comme il est difficile de les infirmer expérimentalement, les théoriciens, bien sûr, s'en donnent à cœur joie et inventent un quatrième, un cinquième, un sixième neutrino pour les expliquer. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de superposition d'états nu1, nu2, nu3 pour former les nuées, nu-mu, nu-tau, qui sont physiques. Et a priori, on pourrait avoir un nu4, nu5, nu6. simplement dans des proportions très petites. Et ces nu 4, nu 5, nu 6 donneraient lieu à des neutrinos stériles qui, eux, non seulement seraient des particules fantômes, mais fantômes au carré, puisque ils ne subiraient même pas les interactions faibles. Et ils n'entreraient dans le monde réel qu'à travers du mélange. Mmh. Alors, on a cherché des neutrinos stériles, ça dépend beaucoup de leur masse. Il y a un modèle que j'aime bien et qui pense que la masse manquante de lunaire peut être formée de ces neutrinos qui auraient quelques dizaines de keV de masse. Et ça... Le kilo électronvolt. Hein. Un neutrino stérile. Oui, bien sûr. Et il y a même une expérience qui dit avoir une indication, parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, ce neutrino de quelques dizaines de keV peut avoir une désintégration radiative, c'est-à-dire se désintégrer en donnant un photon. Et ce photon serait caractéristique parce qu'il porterait la moitié de la masse. Et donc, on aurait un photon avec une masse. Comment ? Un photon avec une masse. Non. Il aurait l'énergie égale à la masse du neutrino d'accord, départ. D'accord. Très bien. Mmh. Bon. Et donc, on recherche. Et effectivement, quand on cherche quelque chose, on trouve. Il y a une expérience qui semble d'y avoir trouvé un signal. Bon, une expérience, c'est encore peu pour pouvoir valider un modèle. J'aimerais qu'on dise un mot tout de même, parce que c'est une des grosses questions. Et puis, on l'a abordé tout à l'heure avec vous, Olivier Drapi, également avec François Ranucci. Cette question qui est liée à l'antiparticule. Est-ce que la question simple qu'on se pose, c'est que finalement, le neutrino pourrait être sa propre antiparticule, c'est ça ? Alors oui, il y a deux hypothèses. Hein. Mmh. Il y a l'hypothèse d'un neutrino qu'on appelle de Majorana, où le neutrino est sa propre antiparticule. Et puis il y a le neutrino de Dirac, qui est un neutrino qui est différent de son antiparticule. Mmh. Cette question n'est pas encore tranchée. On a une façon de voir si jamais le neutrino est sa propre antiparticule, alors on peut avoir certaines transformations de radioactivité bêta qui sont doubles. On appelle ça la désintégration double bêta, où on a deux désintégrations bêta en même temps. Et si jamais le neutrino et l'antineutrino sont la même particule, en fait, on peut avoir des cas où la désintégration double bêta n'est accompagnée d'aucun neutrino, en quelque sorte. Le neutrino de sortie de l'une sert d'antineutrino d'entrée pour l'autre, etc. Et donc, il y a quelques expériences, dont une expérience... En grande partie française, qui essaie de voir ça. Pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, de signal de ce neutrino de Majorana, mais c'est une hypothèse. C'est totalement inédit, une particule qui soit sa propre antiparticule. Il faut bien penser, rappeler qu'on parle de matière et d'antimatière. Non, c'est pas inédit. Le pi0 est sa propre antiparticule. Oui. Hein. Mmh. Mais le pi0 est formé de quarks, et il est formé, en fait, d'un quark et d'un anti-quark. Mmh. Donc, l'anti... de cette combinaison-là, c'est l'antiquark plus un quark. D'accord, c'est l'effet symétrique miroir. Oui. Alors, pour revenir sur le neutrino stérile, il y a aussi des expériences actuellement qui cherchent à détecter des neutrinos stériles avec des oscillations à très courte distance. Donc, il faut se mettre près d'un réacteur nucléaire qui soit suffisamment petit, parce que la taille lui-même du réacteur, à ce moment-là, devient grande par rapport à la distance d'oscillation. Donc, ce sont des expériences qui sont en cours, qui n'ont pas donné aujourd'hui, enfin, qui n'ont pas publié de résultats pour l'instant. Mais disons que d'ici 2 ou 3 ans, je pense qu'on aura, des certitudes concernant l'absence de neutrinos stériles. L'absence ou l'existence de neutrinos stériles. Un mot tout de même pour compléter sur cette notion d'antineutrino. Pourquoi est-ce que ça pourrait apporter des éléments de réponse à cette question vaste d'astrophysique que l'on se pose depuis très longtemps, à savoir pourquoi dans l'univers la matière a triomphé après le Big Bang au détriment de l'antimatière? Pourquoi est-ce que cette question du neutrino et de l'antineutrino pourrait apporter quelques éléments de réponse à cette question? Eh bien, le Big Bang, Le modèle du Big Bang suppose que la matière et l'antimatière ont été créées au moment du Big Bang en quantité strictement égale. Mmh. Toutes les réactions qui transforment de l'énergie en matière transforment en fait de l'énergie en une quantité égale de matière et d'antimatière, strictement égale. Et donc, quand on regarde de façon observationnelle dans l'univers, on ne voit pas d'antimatière. Alors, c'est très difficile de voir de l'antimatière en tant que telle, parce que de loin, elle se comporterait comme de la matière. Mais s'il y avait des poches d'antimatière dans l'univers, on verrait des endroits de frontières, en quelque sorte, où les nuages de gaz de la portion d'univers d'antimatière rentreraient en collision avec de la matière. Mmh. Et on verrait là le rayonnement des photons caractéristiques de ça. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas de frontière matière-antimatière dans l'univers. Alors, de deux choses l'une, soit il y a eu autant de matière que d'antimatière créée lors du Big Bang, et puis elles sont toujours là toutes les deux, sauf que l'antimatière, pour une raison X, est partie dans un coin qui est inaccessible à l'observation. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il y a une différence de comportement entre la matière et l'antimatière. Et alors, c'est là que ça devient intéressant. On sait que c'est le cas entre pour les quarks. On a mesuré effectivement une très légère différence entre matière et antimatière chez les quarks. Et si on arrivait à voir chez les leptons, donc chez les neutrinos, une différence matière-antimatière suffisamment forte, ça pourrait peut-être nous permettre de comprendre pourquoi la matière seule a subsisté dans l'univers. Pour l'instant, le déséquilibre sur les quarks n'est pas suffisant pour expliquer cette prédominance de la matière. Et donc, on cherche à voir si les antineutrinos oscillent de la même façon que les neutrinos. Et l'expérience T2K, pour l'instant, semble indiquer que les neutrinos de type mu, donc nous on regarde sur T2K, on regarde les neutrinos de type mu qui se transforment en neutrinos de type E sur 300 km. Et il semble, mais ça n'est qu'une légère indication pour l'instant, il semble que les neutrinos se transforment un tout petit peu plus et les antineutrinos se transforment un tout petit peu moins. Et donc, il semblerait qu'il y ait là une petite... Ils oscillent un peu moins de mu vers eux, les antineutrinos, que les neutrinos. Donc, ça n'est pour l'instant qu'une indication et pas encore une certitude. François Vannucci, pour conclure sur cette question entre neutrinos et antineutrinos. Je crois que tout a été dit. Et effectivement, je dois dire qu'en physique des particules, c'est... Alors, il y a trois grands mystères, trois grandes énigmes. C'est l'énergie noire, qu'est-ce que c'est? Personne n'en sait. On n'a même pas la moindre idée théorique qui puisse justifier ça. La masse manquante, même s'il y a toujours des théories qui essayent, les théories mondes qui essayent d'expliquer ça par une variation de l'interaction de Newton à grande distance. On avait consacré une émission d'ailleurs à cette question-là. On va remettre le lien sur le fil Twitter justement à ces questions de matière noire et d'énergie noire. En tout cas, la troisième grande énigme, c'est la disparition de cette antimatière. Et étant donné que cette violation de CP n'est pas suffisante parmi les quarks, on espère... Alors, si vous demandez à un théoricien comment ça se fait, c'est un processus de sphaléron entre les leptons et les quarks. Ne me demandez pas ce qu'est un processus de sphaléron. Je ne vous le demanderai pas, mais en tout cas, je vous remercierai d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. François Vannucci, on enverra nos auditeurs curieux se renseigner par eux-mêmes pour savoir ce que c'est qu'un processus de sphaléron. Merci beaucoup, Olivier Rapier. François Vannucci, je rappelle également le livre, on va mettre ça sur le fil Twitter, Le vrai roman des particules élémentaires aux éditions Duno. Vous pouvez trouver toutes ces informations là, le processus de sphaléron et le reste sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Mathieu Lefrançois, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Pierre Faucillon et au droit d'auteur aujourd'hui Manon Dubus.